Yeah, Marseille, secteur 1-3, Radio Galère, Sam et Sam, Frangin, c'est le Chir, Creative Art, 8-8-4. 8-8-4, fréquence branchée, talent caché, lourd, Marseille c'est danger. Pied au plancher, tu as reconnu la voix sur le son. Sam et Sam, c'est la grosse émission de la somme. C'est la bombe, c'est la tuerie, tchèque. Sortie d'album, rendez-vous, t'as les puristes frères. Promotion, informe ton entourage. Braquage, gros son, plateforme incontournable. J'rappe ça, rappe ça, rappe ça. Secteur 127, au Fada, c'est le Barça. Molotov, baril d'essence, j'crame un 12 au fait. Le blast s'échire, j'me présente au passage. L'émission Sam et Sam sur Radio Galère 88.4. De 21h à 23h, talent gâché, talent caché, viens t'exprimer. Eh oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur le 88.4, l'émission Sam et Sam, comme tous les samedis soirs. Donc avec l'équipe, avec Sam, comment ça va Sam? Bonsoir monsieur. Comment tu vas? Ouais, ça va, écoute, comme un samedi soir. Ouais, c'est un samedi soir, il fait encore jour, tu as vu? Ouais, je vois, il fait jour. On a changé un peu de pôle. Ouais, ça change. Ouais. En plus, bonne ambiance. Ouais, ce soir, ça va être exotique, on reçoit. Ouais, ça vient de très loin, de toute façon. Ils nous viennent d'où d'ailleurs, Sam? Tanzanie. De Tanzanie. Où il y a les girafes et les lions, et il y a quoi, c'est des crocodiles. Et des gens. Et des gens aussi, donc c'est oui. Watengwa et TGP. Wow. Donc c'est bien ça. Donc bonsoir les gars. Parle en anglais, voilà. Hi, si how are you? L'anglais. Anglais. Yes, I don't speak English very well, just a little. Yeah, no problem. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Donc on a une interprète avec nous qui est là aussi. Ouais, bonjour. Tu te présentes aussi? Voilà, moi c'est Mathieu. Donc c'est Matt. Ouais. Vas-y, Mathieu. Moi j'ai organisé la venue des MC tanzaniens. En fait, j'ai démarré un projet avec eux en 2006, quand je les ai rencontrés en 2006. Tu es allé en Tanzanie alors? Ouais, je suis allé en Tanzanie. Et puis c'est voilà, une rencontre humaine avec eux. Ils m'ont vraiment impressionné. Mm-hmm. Et on a décidé de démarrer un projet d'échange, en fait, parce qu'il y a des MC kényans qui étaient sur place également à ce moment-là. Mmh. Et on a appelé ça East Africa Rise Up. Et de là, moi, quand je suis revenu en France, j'ai monté une asso, j'étais encore étudiant, et on a poussé le projet petit à petit jusqu'à pouvoir les faire venir en France et être là aujourd'hui, quoi. Ah ouais, tu dois être content en plus. Ah ouais. C'est un aboutissement. Ouais. Ah, quand tu es arrivé là-bas en fait, tu es arrivé pour les vacances ou tu es allé juste... Et à un moment donné, tu as rencontré ces artistes? Alors en fait, je suis parti faire un stage dans une ONG qui travaille avec la tribu Maasai. Mmh. Donc ils avaient une pépinière pour reboiser sur les terres où les Maasai habitent. Et il se trouve qu'ils avaient aussi un studio en ville où ils taffaient avec les rappeurs locaux, etc. Et puis moi, juste fan de musique comme ça, mm-hmm. Je me suis dit, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Donc j'avais demandé de pouvoir un peu participer à leur projet studio. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Après, et tu as kiffé leur musique quitté, et tout. Voilà. Et depuis, vous êtes des bons amis. Tu leur as fait visiter un petit peu Marseille. Exactement. Qu'est-ce qu'ils en pensent de Marseille? What do you think of Marseille? Marseille is a very beautiful city. It's a hip hop city. Marseille is more like a ghetto. You know, we're from ghetto. Arusha, Tanzania is like a ghetto, but we found another Europe ghetto. So Marseille is like the next home for us. It's like the next home, right? Donc, il a dit que déjà c'est une très belle ville et vraiment hip hop et que en fait. Pour eux, ils ont été surpris en fait quand ils sont arrivés de voir, comme il dit en fait, pour lui, il décrit ça comme ghetto. Ghetto, il vient du ghetto, il a retrouvé le ghetto ici. Quoi. Voilà, et que quelque part, c'est pour ça qu'il se retrouve un peu à la maison avec ce côté hip-hop qui permet de se comprendre rapidement avec les gens qu'on rencontre, avec les autres MC à Marseille qu'on a pu rencontrer. Voilà. dû faire bizarre ce mélange de culture en fait. Avec c'est cosmopolite. Have you been surprised by this mix of culture in Marseille? Yeah, the first time I was being here, I was just very surprised because I was like, I'm coming to Europe. But after to being here, I see like it's a different culture. You see, I see ghetto culture, Europe culture, very different style. So it was very big surprise for me, but it's a very beautiful people. We work together, there's no problem. I feel like home. C'est vrai que en fait ils avaient eu une image de l'Europe en fait et qu'ils ont été surpris de voir qu'en fait bah que même en Europe il peut y avoir des ghettos et que finalement bah, ils ont retrouvé des gens avec qui ils ont des affinités et donc voilà par rapport à cette mixité des cultures est vraiment vraiment surpris quoi. Tu leur as fait visiter Félix Piat ou quoi? Bah, en fait c'est marrant, quand on est arrivé on est arrivé directement à Noailles, on a débarqué à Noailles, on n'avait pas d'endroit où dormir et c'est le Mille Pattes qui nous a hébergés. D'accord. Alors, on a dormi au Mille Pattes pendant une semaine et demie et les gars ils étaient choqués un peu. Non, ah ouais, non, que choqué. Quand tu arrives à Noailles c'est... C'est ça la France, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Je retourne. Ouais, en fait, moi. C'est marrant, il racontait que, tu vois, quand on sort du Mille Pattes, il y a les gens qui sont dans la rue là, qui traînent rue d'Aubagne et tout. Et là, mais c'est comme chez nous, c'est comme dans notre truc quoi. Les gens, ils traînent comme ça, ils roulent des, tu vois. Combien il y a de groupes en Tanzanie? Est-ce que c'est le hip-hop? Il y a beaucoup de groupes. Si le mouvement, il est. Ouais. Alors, il est important. Je sais qu'il y a des petits jeunes. Un jour, j'avais vu. Il y a un énorme mouvement. Il y a un énorme mouvement. J'ai vu des jeunes. Tanzanie, et notamment la ville d'où ils sont, à Arusha. Et ben, on va pouvoir leur demander. They are asking if there are many groups, hip hop groups, in Tizi. Oh, it's a lot. I think hip hop is taking over in Tanzania because every house you can find a boy freestyle your rap. Everywhere you go, you can find a lot of crew, a lot of the hip hop musicians. So for Tanzania, hip hop is very grow up. It's come very, very big. I think after some times, it's gonna take over. Donc il explique qu'il y a vraiment beaucoup de groupes, que on trouve le hip hop partout, dans toutes les familles, il y a un petit qui freestyle et que c'est en train de vraiment devenir de plus en plus gros le mouvement hip hop en Tanzanie et que ça taking over, c'est-à-dire que c'est en train de vraiment de, c'est comme une révolution qui est en route quoi. Et leurs influences en fait le hip hop parce que la Tanzanie c'est quand même petit, ils sont plutôt tournés vers les États-Unis, vers le rap américain, plutôt le rap français ou vraiment plus large au niveau des influences et de ce qu'ils écoutent là-bas quoi. He's asking what have been your inspirations in hip hop when it comes to hip hop when you from America, from Europe? Yeah, first of all, for my country, because when I grew up, it was our big brothers called Kwanza Unit, Mr. Two, they used to rap before us. So they give up a lot of inspiration. Then we start to do that music, hip hop. But even America, we used to listen to some old school hip hop artists like Wu-Tang, Big Small, Tupac. They give a lot for us to start to perform and all that. We watch all a lot of gangster movie back in the day, like Juice, you know. So that's movie like that. They give us some inspiration. We start to do our own movement, and it will start like that. Like any, but the way I can say, my big brother, like Kwanza Unit, the first group in Tanzania, they inspire a lot of people there. Even me too, even everybody here, I think so. So we say big up to Kwanza Unit crew. Donc il dit que bah, premièrement c'est un groupe tanzanien qui les a inspirés en premier lieu. Le tout premier groupe de hip-hop qui s'appelle donc Kwanza Unit, qui veut dire l'unité première, en traduisant. Et que donc également aussi beaucoup d'influence du old school américain, même aussi au travail de films. Je connais pas de rappeur français. Do you know some French hip hop like when you were starting to? Yeah, you know? I used to know DJ Cat Killer. Ok. Cut Killer. Hein. Cut Killer. Yeah, DJ, I was by his tape, it was 1 hour then. And then we go and buy the tape and listen. We was crazy. You know, back in the day, it was no CD. It was only tape. So we went to the store and buy a lot of tape. I remember another French dude, NTM, no? NTM. They used one song with Nas. Well, that was a very bang in Tanzania. All TV station was played that song. Ah, c'est marrant ça. Ouais, Affirmative Action, c'était le. C'était avec les Tank aussi, hein? I Am. De quoi? I Am, ils ont fait Kotan Clan. I Am, groupe de Marseille, qui avait fait avec U-Tank un morceau. Ouais, ben, c'est vrai que bon, après, ils connaissent pas les Booba. Et, et qu'est-ce qu'ils pensent de ces jeunes rappeurs avec qui ils... There is a group is called Messenger of Funk. It's from here? Messenger of Funk? No, Messenger of Funk from where? Ah, alright, okay. Donc, pour traduire rapidement, il disait que il avait une cassette de mixtape de Cut Killer à l'époque, ouais, ça l'avait vraiment marqué, quoi. Que oui, NTM aussi, ils avaient eu ça. Et pour la petite anecdote, quand j'étais arrivé là-bas en 2006, en fait, ils avaient récupéré le sample de I Make Music For My People. Ouais. Et ils avaient fait leur propre version. Ah, il est énorme, ce morceau. Et ça m'avait, ça m'avait marqué, quoi. Je retrouvais un peu les... And for my research of hip-hop, my own research for hip-hop, I think after America is France for hip-hop. And second place. Yeah, after America, I think it's French. I think it's Marseille, not French. Marseille, then Paris, you know? Yes, Paris. Yeah, then Paris. And the third, I think, is come to Tanzania. Because, you know, our language, Swahili, is very easy to rap. Yes. You know, another language is not easy to rap. Well, even like sound, a German, it's difficult. Right now I'm living in Denmark. The way the sound is very difficult to rap. Yes. If you rap, you sound like you vomit. Which is no sound good, you know. Right. But it's Swahili or English or French, it sounds straight on the point, straight on the beat. You can feel the vibe or whatever. You don't understand what French say, but you understand. The vibe, the beat, you feel it. You go in. If you high, you feel more high on that. Donc, il a dit que le rap français, ça a été une inspiration pour lui après le rap américain. Et que aussi le Swahili parlait de la musicalité de la langue et que c'est une langue qui sonne, qui rime. Sonne et que rap, ouais. Et que voilà, il faisait la comparaison avec le rap danois, parce qu'il habite au Danemark depuis presque 2 ans. Et que c'est une langue pas. Où c'est plus compliqué, quoi, on va dire. Au Danemark. Ça sonne pas du tout. Essaye de rapper en danois, tu vas voir, c'est la misère. On écoute un morceau. Ouais, on va s'écouter un morceau. Donc, Je le propose comme morceau. Il m'a dit la 2, donc c'est Spread Love. C'est un Swahili. Spread Love. Spread Love. Et donc là, ils sont en Swahili, mais le nom est en anglais. En fait, ils reprennent le refrain en anglais. C'est. Voilà, c'est. Show some love. D'accord. Bah, bon, écoute, Mr. Frankie, quand tu veux. Yes, I am. Brown sound. One love. Spread love, yo. Spread some more love, you know. Yo. Yo. One love. One love. Spread love, yo. Spread love, yo. One love. One love, yo. We spread love. One love. One love. Spread love, yo. Spread love, yo. Onyesha upendo. Yo. Na spray love kama unanjana kushilisha kisambu. Mini mtoto wa jasi na kavu nikiwa na chavu. Situmi ubavu, siwezi kukona mshikaji pumbavu. Natumi akili na situmi mabavu. Wabavu na mfili, doma na skodi kulipa bili. Simpondi mshikaji tukiwa wawili. Usikonde mshikaji njoni kupedili. Sini ndugu na ni mabesti tili. Kama unanifili, show some love please. Ini kwa machizi, kutu wanao get busy. Kama watengu wana expizi. Kama sija kutaja, take it easy. Wanoni mekua dingi squeezy. Majukumu paka siri ndumu ile kichizi. Ila tuko pamoja wa love kila nikisizi. Letarizi rhyme kama mnara wa Parisi. Ilikuwa ndoto zikaja story sasa halisi. Ini ali alisi wa love kwa wasangu sorry. Na wote wanosikiliza kisi radio kimao. Lakini azipigi nyimbo zetu sisi. Ila tunapigia mashow mahonda ni ya Parisi. Iso hadisi usemo simuliwe. Bubu watengo na usisi. Biru pakuliwe. What? Biru pakuliwe. What? suis le papier. Rouillou me donne un ghetto et me rumpata. Rouillou qui tambo, rouillou tous les savants. Loving de, l'esprit de loving de. Loving de. Rouillou me donne un ghetto, ça c'est ouwe bata. Rouillou qui tambo, si si tous les savants. Oui, loving de. Wawili wakafa, rest in peace, fans in a pacha, si tuko cypher. Safari mekuwa ni ndefu na kima taifa. Tulcheza daraja la pili, saivi timi ya taifa. Na kaba kaba tukevra kwenye kumi na nane. Shangilia kanane nane, makaraya ni kubane. Sio mbeberu alafu, nyangao ni kuchane. Pita uku nipite uku alafu tukutane. Slete mambo za kisnich alafu unikane. Ka Petro au Yuda, shisha kuwa Buddha. Kwenye temple of the boom, utafikiri za Judah. Ataka kunyua nyuale kasa msoni huu. Binti mwenye urembo aliyemdanganya na fuba. Kumbe nkentokea kanyimbo useni muba. Mjuba nkala kona misiku yale linona. Mshikaji wake mona nyangao mbali liona. Miso Facebook dance, mene gyaro superstar. Sisia zaki rasta kama kizansi chanesa. Niko friends siuro kwenye michongo ya pesa. Zaidi ya Scarface dog, call me aka Sosa. Ukizengua kai juari sasa toku posa. Sintu maimari game, bila kutoa hata posa. Kelewe zao rappers, maskionzi na chosho. Na imba uduanzi, mistari ya kisoro. Sintu nazi rhyme bet from only at tomorrow. Kwenye kuto za kitana represent kami choro. Graffiti, let's smoke kama saduo. Mashariki ya kati. Masoro nowadays, na walia bati. Niko mbele ya wakati, mithili ya internet. Yote inawaka sisi miki kama socket. Tewani katiara na attack kama bullet. Na mbuli ya MCs, mithili ya feeling. Skills imeshiba noti kama wali ya Bill Gates. Uyume toka geto wewe humpata. Kweli kitambo, kweli tulisava. Loving the, kweli loving the. Yes, yes, yes. Next episode, volume 2, Kululila. Mitiani mingi nimeshavuka. Maji ya shingo bora bumbu. Nasema kugusa, sijawahi kugusa unga. Misha North, South Africa, Ulaya, Asia, mpaka uko Amerika. Kijani nyekundu nyeusi daire na wakilisha. Wazungu kabisa, moyo wa chuma. Plus kabisa, unaweza kubisha. Hata odi utakuta. Mao tu sang, Samora Mashelia yuko kabisa. Nyerere, Nkruma, Mugabe, Sangara kabisa. Ujuzi na misimamo, Kristin, Victor, Nisha. Amu wakunga, Nisha kuchoroka. Ujumbe kuwakilisha na sikitika sikali Afrika. Kuwa vibaraka na huwa raka. Usawa nataka raka na siyahona vihaka. Kwetu kuna nukataka na mpoketo slamu nani kapanga. Mapanga munduki zilizo kunjwa vitako. Media imedia uzo usuli kuwa mata. Mapa yongeza misako. Pressure, stress, maisha ya chunga chako. System inanijenga kuwa na roma ya shingo. Hisi nyimbo tu mtaa wangu vuki maringo du. Yo yo, tuna raman, so kumbo amtana, bado tuna run, geto na madam town, ndiyo salam, kila tunapokutana ndiyo mana tuna run, geto na madam town, tuna raman, so kumbo amtana, bado tuna run, geto na madam town, ndiyo salam, kila tunapokutana ndiyo mana tuna run, geto na madam town. Yeah. Vina vimezidi leba ndara salama. Di wados kwa industry wameshindo atusoma. Tunatisha kingoma wabishka chenema. Mashlanja zanyo zito uzito zaida ngema. Ya madini na yotema thamani yake kuna. Tafuto na pojua wezi pata dunia zima. Sisi tukupua sana mtao neza sema. Walijaribu sana kudisi kutukana. Vibes hivyo zidi waka kosa cha kusema. Majembe tunalima kwenye lami matoni. Isie ziko ndani wezi yon. Na kwa mboni, tuko mbele wakati kama Interscope Sony. Forever number one kama snooze na pain. Tuna flow karain and we still maintain. Old school, new school, atuweze kani. Watoto wana bonga ila sindo veterans. Ahead of time, design ya kali kani. Design ya kali kani. Tuna raman, sa ukumbo wa mtana. Bado tuna run, geto na madam town. Ndiyo salam, kila tunapo kutana ndiyo mana tuna. Geto na madan town, tuna raman, sa ukumbo wa mtana. Bado tuna run, geto na madan town. Ndiyo salam, kila tunapo kutana ndiyo mana tuna run, geto na madan town. Natoka hudi maskani, sinabudi kubuta mjani. Nipige plani, mambo flani, yuzo nipiramani. nani au tumcheki lumayani tushuke mtani kwa mani salasi yae na odasi mani jua kali kwenye mifuko kila mahali misuko suko inabidi mwela wakubali tuyo mishiko apate diko ni mabadiliko ya kijinga mfano MC kujiona nige mara jinga ebwa na mbogo kuna shida bora wida na nyofuka toka jana bado niko kawaida mikosi generali bonge la lida tunanjawa tengwa bado tuja shimba kila mida tuko pofiga vidole viko kwenye trigger kwa lolote tuko kushwari nivuke mstari tuko tujari kuna jesu kijenge njiro sanawari na kila mari utapona rastafari salasi ya watengwa tuko safari yes I tuna ramani za ukombo wa mtana bado tuna run yetu na madam town ndiyo salam kila knopo kutana ndiyo mana tuna run yetu na madam town tuna ramani za ukombo wa mtana bado tuna run yetu na madam town ndiyo salam kila knopo kutana ndiyo mana tuna run yetu na madam town ini kwa wala supporti kita kwanzia supporti bagi yetu zote mima Machizu ara ara tuka kata mbuga Au pipi bana Ini kuwa machizu otu alo support movement from the streets You know Sezo ndo kapa bila kumpa biga bro Ashi mdogo Wherever you are bro Yo Juke Mlab KBC Kibacha Ramson KU Crew Yo D7 You know Matayo East Africa Rise Up Eri City Ghetto Nama Downtown C'est ça. Exactement. Il parle bien. Hein, j'avais un peu. Ça, très très bon son en tout cas. Les deux c'était très très bon. C'est qui fait les prods? Alors ces deux là, c'est des prods tanzaniennes. Ouais. Voilà, deux beatmakers différents de Watengwa. Et on peut avoir leur nom quand même comme ça. Alors il y a Daz Knowledge pour celle qui tournait là. Ouais. Et juste avant c'est Umbwa qui est un autre rappeur du groupe et qui a été un peu le premier à faire des instrus, à bidouiller ouais. sur l'ordi comme ça, à prendre par lui-même. Il se débrouille voilà. bien maintenant. Ouais, voilà. voilà. Mmh. En tout cas... Ouais, il y avait beaucoup de samples de cuivre en fait, avec une sonorité un peu reggae sur la deuxième. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais. tout ça, c'est du sample ou... Ouais, c'est du sample. C'est uniquement du sample. Du sample ouais, ouais, Daz Knowledge, il travaille avec des samples, ouais. Et justement, demande-leur comment ça se passe là-bas pour les studios, tout ça, pour enregistrer. Est-ce que c'est facile c'est le même endroit, ils se structurent, comment ça fonctionne? He's asking, how is it over there for the studio? Is it easy to record? How do you guys do? In Tanzania? Yeah. Yeah, in Tanzania, is easy or not easy? I can say for us, it's not that big deal or it's not... Because we have our own studio, so it's easy for us to record it. But sometimes for the underground, it's a little bit not easy because you need to pay money. Mm. Our problem is money, you know, it's all of our people need money. So it's really expensive for the studio station? Not that expensive, but the situation is make it come expensive. Okay. Because no, we don't have job there, no job, no work, no money, so it's come difficult. It's poor people. Yeah, poor people, right. Ouais, donc voilà, il explique que ça peut être assez compliqué. En fait, bon, c'est un peu comme ici, quoi, quelque part. Il faut payer sa session studio et que pour les jeunes vraiment du ghetto, ils peuvent pas du tout payer ça. Et que dans leur cas, du coup, ils ont résolu le problème. Bon, comme ça peut se faire ici, ils ont fait leur propre studio, voilà, avec leurs propres moyens. Ils ont démarré, puis après, ils l'ont un peu amélioré au fur et à mesure, quoi. So for maybe for us or for me, I record it free for any studio in Tanzania because they know if I record there, people when they know Watengwa we are record to their studio, the people they're going there to record too. But it's not easy for the underground because when they go to the studio, they need to pay. Okay. And the problem is money, you know. But if you have the good talent, if you're real talented, if the producer see you can do that, it take you for free and then you record, you make deal, you're gonna pay him maybe later or wherever, or sign you for free, sometime like that. You have many producers in Tanzania? Many producers. Yeah, in everywhere. Tanzania. MCs and the producers, they're born every day, man. Every day, man. Voilà, donc il explique qu'il ouais, y a beaucoup de beatmakers et de MC. Il en est tous les jours, il a dit. Et donc il expliquait par rapport à la situation des studios, juste avant que. Pour lui, il peut aller enregistrer dans n'importe quel studio gratuitement parce que bon, il a une certaine notoriété et que donc pour le studio c'est intéressant, mais que pour les artistes underground c'est beaucoup plus compliqué. Mais il dit que pour ceux qui ont un vrai talent, c'est toujours possible de voilà trouver un producteur qui va le faire venir pour voilà mettre en valeur. C'est quoi les tarifs là-bas en Tanzanie? What are the price if you want to maybe come and make one track usually? Yeah, for like the big studio, good studio, sometimes they charge you from Lakitano 500 or 1 million if it's the very very big studio. Donc pour funk, you know? Pour les gros studios, yeah. les plus grosses productions en Tanzanie, il faut compter 250 à 500 euros ouais. Pour un morceau. Un morceau. Ouais, pour un morceau. Ouais. Et otherwise. And another studio, the very local studio. You can pay producer even konyagi or beer just to drink, then you record, you buy him weed. It's happened, right? Of course. Yeah, it's happened. Ah, okay. Yeah. Donc pour les studios plus local, underground, donc là, il peut y avoir des trucs, voilà, il peut y avoir un peu à boire, à fumer. Bring vibe, beer, weed, then you record the session. It's happening a lot. Donc ça arrive souvent. Et ils sont où les Français qui font des morceaux avec nos artistes tanzaniens? Eh ben on va les appeler. Le temps qu'on envoie notre morceau et on veut savoir un petit peu ce qu'ils en pensent parce que. Allez, ben donc on va envoyer The Street Is Ready. C'est ça? Voilà, en featuring avec Kouliru, chanteur reggae marseillais. Ok, ben c'est parti. Round this course, Tuko ready, mako ready, kia di kompaka tudeli. Yo. Tuko ready, mako ready, kia di kompaka tudeli. Tunatembeza mijeledi kawenyeji wa hizi kona zangali mikedi. Maflavor wanazima fegi wakione mitongo na tunga kakibendi. Na jinsi tunavospende ya poti kama standi. Cheki na vorenzi mistari na rudisha chenchi. Kwa kila mechi takayochezo si chenzi benchi. Na wapo cheshi kuna ndika deshi na kuwacha na movie mindo mjeshi. So kitambi kama alikeshi mina kambi mwanao ni kulu yeshi. Full ile fresh bila mkulu jana blessi. Mina shukuru ni kuhuru hata kama sina taxi. Na wapanga mkururu wapa paka kwa kaburu kivepesi. Manda ground na wapanuru sio kipepsi. Nazunguka na mabesi viwaza vyote vya masei. Kula kanya na machizi kuna zote kama sekei. Obey kwa mama lulu mpaka mbulu okay. Niko highest at day day BJ CBC kosei. Pour avancer je n'ai pas besoin de cam. Tu voudrais que ma vie j'appasse à glander. Tu me fais dépendant comme tes produits bas gamme. Allez, lâche la bruit dans l'homme qui ne fait pas de billets. Parce que je suis debout et ma vie est en bras de fer. Oui je suis debout et ma vie est en bras de fer. Aussi sande, kusikia usikonde. Sikondi, navumilia, navunga usinge. Upinde, navumilia. Wacha nilinde, nisizinge. Nisilindwe na manufaa. Nilindwe na mtaa. Vipimo busara wasaa mi mtaa. Kuondoa giza mikasa, natakasa. Jera, vidanda na usaa. Sileti mi wazaa, nitu wakasa. Kivumbi na nyati unipati. Passport yangu na mikakati. Visa, nipe hiko kipasa, nipe nafasi. Acapella live na biti, nina blasti. Strong, intelligent, sometimes nasty. Nduki, police, awa nikuti. Booty, nakaza, responsible. Yes man, I got some duty. Pour avancer, je n'ai pas besoin de cam. Tu voudrais que ma vie, j'appasse à glander. Tu me fais dépendant comme tes produits bas de gamme. Allez, lâche la bruit dans l'homme qui ne fait pas de billets. Parce que je suis debout et ma vie est en bras de fer. Oui, je suis debout et ma vie est en bras de fer. Wadimekatika wamegeuka mabeki. Jihadi zinamiminika kulipua mafeki. Kitani harakati zimegeuka machino. Mboyoyo too much no. Hatutaki kiubonge chafu kusumta. Staki ni kunyonge lafu musuja. Njaa imesababisha tarimbaya street. Dada zetu bado wachanga wanapigwa miti. Serikali imefunga jicho moja kama chongo. Madonto madono na piano michongo. Asilimia sabini ya nyumba sasa hivi ni udongo. Insane ni membrane umeribiko bongo. WTC frontline si kinyongo. Watengo chini umebeba mikoba ya mtuongo. Mawakiba wameanzisha longo longo. Hata na sketi kuna vita vya asiri na bongo. Pour avancer je n'ai pas besoin de cam. Tu voudrais que ma vie j'appasse à glander. Tu me fais dépendant comme tes produits bas de gamme. Allez, lâche la bruit dans l'homme qui ne fait pas de billets. Parce que je suis debout et ma vie est en bras de fer. Oui, je suis debout et ma vie est en bras de fer. Microfou comme un nuts when your wallet's a Bill Gates. Nazi pandisha rates comme un dollar pour Wall Street. Sina kwenda ku hits. Unaweza sema usichukulie poa hizi kama unavyoona inahitaji upiombana ujuze vya kusoma rap sio tu vinaelezo nachosema soma lama za nyakati kabla jua lijazama toa solution kwa mstari sio kula lama hii ni movement for change design ya Chadema wezi zuia maji si tuna post kwa Kenya tuna course bora ka Al-Shabaab Kenya tunabunya msi ka fish Mediterranean A-town bowlers ka chef in Tanzania atua tunazopiga wanatufuata nyuma. Pour avancer, je n'ai pas besoin de cam. Tu voudrais que ma vie j'appasse à glander. Tu me fais dépendant comme tes produits bas de gamme. Allez, lâche la bruit dans l'homme qui ne fait pas se plier. Parce que je suis debout et ma vie est en bas de fer. Eh oui, donc c'était le morceau The Street is Ready. Micro, voilà, alors j'ai oublié le chiant garçon là qui voilà. Donc vous êtes toujours sur le 88.4, l'émission Sam et Sam, tous voilà. Les samedis soirs de 21h à 23h. Et nous sommes avec d'autres artistes là qui ont côtoyé les rappeurs tanzaniens. Exactement, eh oui. Salut exactement. Tout salut tout le monde. Bah, donc c'est on les crevards. Du coup, crevards de la plaine. On a rencontré l'équipe de Watengwa il y a 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans. Ouais, ouais. Ah, c'est d'accord. Ça. Du coup, ouais, ça fait trois années consécutives du coup, qu'on les capte quoi, à chaque fois qu'ils viennent à Marseille. Et franchement, une belle connexion musicale, humaine, etc. Franchement. Ouais, à chaque fois, on a fait des concerts avec eux. À chaque fois, on a organisé quelques trucs. Mathieu et alors, c'était un kiff trucs. Et tout ouais, complètement. Ouais, la première fois qu'ils sont venus, on avait joué. C'était où? On avait joué, je sais plus. L'Équitable Café, je crois. L'Équitable. Et à l'Entropie, ouais, c'était ouais. Des concerts, c'était fou. Ouais, c'était cool. La première fois qu'on les voyait, le mélange. Le swahili, le français, l'anglais. On avait un peu, la mission, tu vois, de les emmener avec nous, de leur faire vivre, je sais pas, justement, ce côté hip-hop de Marseille. Oui, surtout qu'il faut le connaître, le côté hip-hop de Marseille. Ouais, et voilà, nous, on était sur place. On était dans la bonne place pour leur montrer toutes ces salles. Ils ont kiffé et tout. Ouais. Ils ont kiffé. Et vous, un jour, un petit peu la Tanzanie ou quoi? Ah, c'est sûr, les crocodiles. Ça plus ou moins par ouais, ça serait. Ah ouais, ce serait vous avez fait un feat avec eux ou pas encore? Ouais, vous êtes en train de. On a fait un feat avant-hier. On a fait un feat avant-hier, ouais. On en avait fait aussi il y a 3 ans. Qui est sorti Je sais plus trop. Il est sur le DVD en tout cas, qui est avec l'album là. Mm-hmm. Il est à la fin, je crois. C'est le dernier truc. Et voilà. Et on va en faire d'autres tout au long de la semaine là, jusqu'à ce qu'ils terminent leur séjour parmi nous quoi. Ouais, ils partent bientôt en plus. Ça va partir par petits bouts apparemment. Ouais. Donc on va ils vivent de... pas, ils vivent plutôt tous au même endroit, je crois, c'est ça? Là en ce moment? Ouais. Sur Marseille, tu veux dire? Non, mais dans la vie en fait. Alors, il y a JCB qui parlait tout à l'heure, lui, il est au Danemark depuis bientôt 2 ans, et les 3 autres, ils sont à Arusha en Tanzanie. En Tanzanie, ouais. Et comment se fait que c'est expatrié au Danemark? Alors lui, il est avec une Danoise depuis vraiment pire. Vraiment longtemps. Ils étaient ensemble, ils sont restés en Tanzanie 6 ou 7 ans. Après, ils ont eu un petit, ils ont décidé de bouger quoi. Ça doit faire, tu vois, le choc de la Tanzanie au Danemark. Ça... Il pourra vous raconter. Il y a 50 degrés d'écart. En plus de ça, il est pas à Copenhague, quoi. Il est pas à la capitale. Il est un peu dans un bled un peu perdu. Avec les chèvres. Ouais, voilà. Donc, du coup, il est vraiment dépaysé. Dans un Rasta Rocket. Casse. Rasta Rocket. Ouais, c'est ça. Ouais. Le pauvre. Oh, mais en tout cas, franchement, c'est une bonne collection entre les deux. En plus, Marseille, Tanzanie. Vraiment, ça tue. Je te dis, humainement, c'était vraiment très cool. Et à chaque fois, c'est bonheur quoi, de les retrouver. Comment vous comprenez? On essaye un petit peu en anglais. Ouais, pas très bon. Comme moi mais, ouais. Hello. Hello. Non, my name is Sam. C'est ça. Tout est dans c'est le regard. Des fois, ouais. Ou dans la main. C'est ça, c'est cool, aussi. On les a captés pendant 3 ans et il y a toujours ce truc quand on se voit alors qu'on parle pas forcément. Ouais. Je sais pas, le côté musical. Mais bon, la musique, c'est un langage universel de toute façon. Exactement. Franchement, tu peux te comprendre n'importe où avec n'importe qui. Moi, je comprends rien, moi, de toute façon. Alors, tu vois, et bientôt, il y a un concert là. Faut le dire. Eh ouais, le 5, oui, messieurs. Le 5 juin à l'espace Julien. La semaine prochaine. Ah, c'est ouais. Voilà, à l'espace Vendredi. Julien. Donc vas-y. La pub. Fais la tête la pub. Ah bah, alors c'est le sur un concept sur ce concept de connexion entre les MC qui sont là et les MC marseillais et des musiciens. Ouais. Pour le coup, sur le morceau qui passait juste avant, Kouliru, qui chante en fait, donc il est musicien, c'est un bassiste et il a son band. Et depuis ce featuring, en fait, il est à fond, il a proposé de faire backing band pour eux. Ouais, et donc, on a joué avec eux l'année dernière donc au café Julien, ça s'est super bien passé. Donc, du coup, on est revenu cette année et on fait ça à l'espace. En plus, à l'espace, c'est pas mal voilà. ça. Ouais, c'est super. Et donc, voilà, il y a grosse connexion. Il y a la méthode aussi, qui est dans le coup. L'amiral, l'oreille et l'ardu, Blacky Black, Cause Commune, Tressim Beatbox, avec Nash aussi au beatbox. Ouais, du monde. Voilà. Et à vous aussi, hein. Voilà, yes, les crevards, exactement. De la plaine. J'ai vu un Cause Commune tout à l'heure, mais il s'est échappé, se cache là-bas. Il se cache avec son un bob. Peu, il a dit qu'il viendra pour le freestyle. Il ne parle pas, lui. Jamais il parle. Ça y est, parce qu'il a mis son bob trap. Voilà, il parle jamais. Il a bronzé surtout. Ouais. C'est pour ça, il a eu un coup de soleil, là, et voilà, donc il ne peut pas du parler. Moi, je proposerais qu'on écoute encore un dernier morceau, vu que le temps passe assez vite. Ouais. Dis-nous où on peut trouver l'album. Ouais. L'album, bah, il est disponible en digital sur les plateformes. Autrement. On a des copies physiques, mais bon, on les vend de la main à la main. Sinon, il sera le jour du concert. Le jour du concert, 5 juin, l'espace Julien. Tu peux rappeler le titre de l'album ? Foulilé la Anna, volume 2. Alors, pourquoi volume 2 ? Parce que le volume 1, c'est un album historique de Watengwa, en fait, qu'ils ont fait au début des années 2000-2003. Mmh. Et du coup, là, le fait d'arriver en France, tous les quatre, ils se sont dit, c'est là, il faut faire le volume 2. Et voilà, Foulilé la Anna, qui veut dire, il traduit ça comme, en anglais, ils disent « better than enough », c'est-à-dire plus que nécessaire ou mieux que ce qu'il faut, enfin, quelque chose comme ça. Quoi. Bien, je te le dis, moi, pour meilleur les personnes c'est qui assez, quoi. Qui ne savent pas ce qui est, en fait, le titre. Alors, c'est quoi ? C'est Full Il ? C'est ça, Il ? Full Il est la Anna. Bon, pour les gens comme moi, si c'est Full Il la Anna. Voilà. Donc, sur les plateformes téléchargement légales. Après, on les retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, et on les suivre. Ouais, il y a la page Facebook Watengwa Rex. Ouais. C'est le studio qu'il expliquait tout à l'heure, donc le studio vraiment communautaire. Eux, ils mettent en avant tous les talents d'Arusha. Il y a la page East Africa Rise Up de notre projet en commun avec eux sur YouTube, le site web watengwamusic.com, site web eastafricarise.com également. Donc voilà, vous savez où aller pécho toute la musique. Voilà. Alors donc, on va envoyer le dernier morceau. Ouais. Et ensuite, un petit freestyle, même un gros freestyle. Hein. Il y a du beau monde. Allez, c'est parti, on envoie ça. Listen up, you so bless it. Afrika, wakati umeshafika sadikika, tuache vita. Nchi za magharibi wanafikisha, tisa ni visa, ujumbe uhuru na ufikisha. Wana leta Afrika bala, Afrika haitaji silaha. Viongozi vibaraka namna mza. Me want a continent to rise and strong. Me chanti kurudisha old wisdom. Afrika ni mwanzo na chanzo. Leo wafadhiri na mashaka, matajiri wadangalika. Afrika unganika, red, green, black and gold. Brightness lift my soul, never sold. Me hold the fist in the air above the toll. I be see Kata usisi muwa na ubuwa unyonge ushuja na jivi Dikiro of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Why you wanna do it to your brother man? Why you wanna turn him insane? Take care of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Take care of the African land. Take care of the African land. Mungu ibariki Afrika na watu wake. Kijenge mwembe chai cha kichange. Parental advisory ghetto content. Momento na misuri kibao wa connect. Baladi mento ndiwajulia kwenye internet. Kibagdadi central metulio takiet. Na wakilisho kweli utafikiri mze chui. Young out the illest tattoo zaidi ndui. Chui, bedui, tomba tui. Akuilo mayani labda unidui. Na cheza hii draft inside ya buibui. Na shanga Tanzania duniani watujui. Kutokungana Afrika ndo mana tukui. Wanasema na uhari ya tari ya sumbui. Afrika panarana mini pande za lui. Wa mama wana umoja kikinuka kele ui. Take care of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Why you wanna do it to your brother man? Why you wanna turn him insane? Take care of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Take care of the African land. Take care of the African land. Africa the home, the continent I'm from. Tanzania ndo nyumbani, mji mkuu Dom Dom. Bara langu la dream lenye utajiri kemkem. Mali asili na madini tunayo kila sehemu. Number one duniani, ataipinga nani? Uafrika sisi nao si kama zamani. Somo ni viongozi with Baraka Boss Gozi. We need to be strong, chua mke kwenye njozi. Tupigia chuo, utajiri tuhodi. Tuache mapozi, ubaguzi, ukuzi. Ukabilo bazazi, tushikile uzi. Tufike kilele, tuende nasi kwenye mwezi. Hawa tuwezi, hawa rap and easy. Ni basi viongozi mafisari. Na chana mistari, wanashikwa na midali. Yo, wanashikwa na midali. Take care of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Why you wanna do it to your brother man? Why you wanna turn him insane? Take care of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Yo. Take care of the African land. Take care of the African land. Last mama kama mkuku wa kimasai. Hai walai, sindulize why niko hai. Malawi can't you buy. Yote kanipangai niko strong. Kalengai boy, rude boy. Bunduki chini I fight. Kunyonga wazawa kama tai. Why? I'm still wonder why. Tunageuza pisi kwa ibilisi. Kiraisi tunageuza na mabucha kaja fisi. Sudani kuna hali alisi. Kisa mali na nani awe rahisi. Tunajimaliza sisi wenyewe. Sometime na didisi mwenyewe. Na kufunga mikoba. Mangaribi wanatuletea poda. Awapende tuwe soba na HIV tuwe waoga. Na mambo ya kishoga mbao aliyapinga mchonga. Kwenye hutuba zake ya kuwa kipige soga. Umoja ni nguvu, ujinga ni kujigeuza mafuvu. Take care of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Why you wanna do it to your brother man? Why you wanna turn him insane? Take care of the African land. Stop turning thin and seeking sand. Take care of the African land. Take care of the African land. Donc voilà, ben maintenant on va se retrouver avec le freestyle. Donc on va commencer le freestyle tous ensemble. Nous on se retrouve samedi prochain. Allez, tchuss. Ouais. Tanzania, Marseille, mon gros. Wow. Watengwa. Watengwa. Whatever, whatever. Wow, wow. Marseille. Nishakabizi mikoba ndo mana niko hapa. Hata nikiwa soba jua nimeshatikisa bapa. Sikwezi kula poda nogopa kutembelea malapa. Nishabona nikaogopa nina hisia za Big Papa. Ndogo kabla sijaba rapa na apa. Sikwezi kuwa msaliti nikiwa hai. Hata nikipa bwashikaji zangu atajidai. Na divai usiku kucha na cha ukucha wakifry. Aliyekufa ni mshikaji wa pande za kimasai. Nicho ngali meiva alifai. Sikataja fando sintoe ni shy. Nishawai kuwa haya kawalaja peni sky. Nikafla jurud buwana kitu cha dry. Na machizo ndadai. Olduvai pande zoto donyo lengai. Na washikaji mabiesta ni mabai. Baniani makanji bai marasta nae nae. Tuko badele na aina mbuai. Masei. Crevard mon gros. Yo yo yo. Il a fallu gratter des faces et des faces au départ lyrical pas trop. T'as fait les bails et les phases, on y croit sans lécher le patron. Lâcher les basses du Rasta, sans lâcher la weed. Au début, petit clash et castan, j'y passais la nuit. Ouais. Wow. Plans souvent courts, j'canne leurs plans sous l'ampoule. Ils ont des idées cramées toutes les 30 secondes, couses. Grandaille sous mon pouce, pense, canner tout leur coup grand. On verra bien qui se sentira en galère sur le playground. Je reprends un peu d'air et c'est reparti. Comme le spliff d'herbe, c'était trop chargé, tu pas trip. On embarque qui du petit joie pour un mec de parking. Bon sens m'active pour que ma route esquive le tap flic. Je pense au commissaire, ouais. Je roule un spliff, j'ai char. Tant que la police sert à rien, il me file un spliff, c'est chien. La misère prolifère, moi. Je m'isole trop des frères, man. Comme si tomber du 12ème pouvait me faire mal. Ah, mais oui. Kila siku tuko kwenye usiku mchana, nikiona mana bado nakimbizana, huku nikiwa nimeshika mari. Eyo MC ni kama hatari, na shusha mistari, freestyle ni hizi. Nasali huku nikiwa sina usingizi, naona mtaa wa izi majambazi. Kila saili takiwa tuwe na utandawazi, wakujua ni kipi nilipi. Tujitume ilitakiwa tusimame, tusigeuke tena kinyume. Inatakiwa tu nasi tuvume kama wale ambao ilitakiwa waone anga. Mungu anapanga, tunaona huu mshale ambao unaelekea kwenye zile anga za wenyewe. Inatakiwa tugawe mawe kwa lile panga la zamani, ili mataifa sijigawe. Word. Oh, le compa. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Watengwa. Yeah. Yeah, yeah. Ah, ah. Je voulais juste m'envoler, oublier cette fille sans me maudire. Je pisse dans vos litres, j'étanche ma soif puis la vomis. Moi ma mine s'écrase sur le papier, mon âme hackée par Babel m'annonce un avenir bien pire que la maquette du papé. Je suis pas bien, je pense qu'à Bédaf taquet. Des voix me parlent dans ma tête, me braque un pétard taquin. Je suis plus qu'un dans mon corps, je m'inquiète dans quel état je serai demain. Mon cœur est à qui l'empreinte, j'ai eu la monnaie de maquette. On s'apaise dans la pia puisqu'il paraît naturel de le faire. Je baiserai pas la pire des billages pour me reposer en elle seule. J'ai plus rien de sain, j'écris pour pas tomber dans l'oubli. Au fond, je ne suis qu'un anonyme qui tente de vous le dire. J'ai besoin d'elle pour embrasser la pesanteur. Noyé dans un alcool faisant des, je vois mon pesant d'art santé. A tous nos soifs phares où j'y pars la bouteille. Peu importe la chute, tant que tu picoles, j'ai pas mal outé. Come on. Yeah. Come on, come on, When you hold your lips, but one in the shop was a parry. One in the math, mom, BGT, toes were parry. Stop my table, you get high on that bit. Suck it, be chowy. Now, mean in it, now, where's that? I see you working my tawi. Oh, then I will catch, I will die for a food. Not a two, when you mow, you're not your chance, you get do it. CG not nickel really, Loliza Kamo Jui. Me tando shahid, nickel full mo ruin. Nazweka when you move, because now you're more juicy. Your llamas and your cotton shaz is so much you lose it. Nazweka sign your points, toy draws for Tezzi. Me chairs, we ango so wanna come and Desi. When you dog will come upon your quangu. Kitu uwezi level zangu mi kospande hizi uchezi. Represent TGP one time for your mind. Pour les rages, faudra leur dire qu'on va passer dans le coin. Tous là, font tout, laisse nous tasser notre joint. Général, j'ai des grammes stockés dans la côté. Y'a mes camélins, stru finira cramé au côté. Génération Tarlouse, mes révolutionnaires. Vont crier partout qu'ils ont des rêves de missionnaires. En général, j'ai des envies de les calmer létalement. T'as la foutre que t'en vives des tasses et des calmants. Des tasses, des ingrats. Pour toi, les dents le cul, ça joue le gangster, mais Stéphane est dans le sud. Monte au braco, n'en reviens pas, c'est sûr. Pour des montres en placo, pour ça rien que ça, c'est sûr. Faut que je t'arrête, ça plaît plus. T'arrêtes grave, t'es fêlé. Caresse mon prépuce, un carré d'axe sous scellé. Tu planes, ça, c'est sûr. Camé de bas étage, je regarde accessible, je vais calmer ça, s'étale. Elita, kiwa, inabidi, nasi, tuweze kushukiwa. Na hii anga, inatakiwa nasi, tuweze kupanga. Ilitakiwa tuachishe ujinga kwa wale watu wote wanaoringa. Inabidi nasi tusikie joto na baridi. Inatakiwa nyuma tusirudi, inatakiwa tuone hili kusudi. Ali kuwa yule mtu ambaye anapiga hatua bila kujua, tunaomba dua ili tupate baraka bila shaka. Inabidi tumite kaka na dada, hii ni shahada ibada. Putain de patate pour entamer le couplet. foutez-moi la paix. On découpe le beat pour que t'apprennes à rapper. Pas la peine de parler mal ou tu vas cavaler. Des gars dans la one again, j'ai le ben qui tombe. Des gars dans le game, tête qui pionce. Check, check, on est des renégats. Ton équipe est relégable. On lui met des petits ponts. On est des pires hyperactifs. Dans nos folies, la weed est notre thérapie. Allume ton pète et poids ton verre. On gère la zik. Ce soir, on rêve vite, vite. On va faire un trip. Hey, Krusty le clown au pays des kermesses. Sur le grill, t'es Alice au pays des merguez. On va pomper l'up, boire toute la soirée. Tu vas me pomper le dard pour quelle soirée. Pour quelle soirée. Tchiki tchiki bang bang, cause commune, foiré, Watengwa, les crevards, Sam et Sam, on dit quoi? Tchiki tchiki, Maxi. Stoni kufanya nini maskini nileze kiini nami nipate kwa mini. Awati nikuwapo majini, usinge mitini laba ni manabibwa kwenye dini. Mame mara kumbacha gani na mna gani mchizwe mashakani machizwe merelano de kupa zamano mefukia mtani geuka nduri kazi mbuto ngeza kiburi jesabri sasi vizuri kabla nyote chimba kaburi tafuta maupo mazuri ya unde mundu wa sifuri na msalaba kisha sali kwa jina la baba la mwana washa shada palita si mpige magoto gena jaa mwombi apokea ujamaa au nizindana kwa mana ata mimi jena mchana nilikutana na mtu lezi mfamu anatembea kama sanama choka natuwa damu kanipa salamu kwa dabu akiongea kwa dabu mkononi kashika kitabu kina rangi dhahabu kanikabidhi kwa matare mengi kichizi eti ni sisi ni timi ya risk wakato lili squeeze. Marseille. En vrai on est tous pareils dans la paresse on pète un 12 par heure. T'attends pas 12 paroles dans l'équipe on est tous barreurs. Depuis la touche on s'en contente. Je paralyse le game t'es flou savant. Plus je dérive de mon rêve et plus la foule s'avance. Toi tu le sais pas mais il est full slalom. Là tu ne sais pas réel nous floute salope. Détruit et fournit le sérum. C'est gore un an toi t'en fais partie putain gratte ses cordes. La mélodie du fric est une parodie sans accord. Du futur j'ai peur de l'image que le futile bug le vital. Le fruit d'une union monarchale qui nous bugle au visage. Et pour la paix y'a pas de vise à tant que la paix. S'attaquera au visage. On envisage une vie simple. Un oreiller pour deux visages. Et on rappe oui mais est-ce au présent. Coincé dans ce désordre. Moi seul dans ces ondes. J'agresse un caisson. J'ai presque l'impression. Ça coule dans tes oreilles. Tu cuis dans tes sangs. Tu couines attention au bruit de ces horreurs. Tu te sens écrasé. Compressé sous toi. Le magnétosphère sous le brasier. De la magnétosphère. Tu crèves. C'est que la défonce sous le soleil. Tu te réveilles. Privé de sommeil. Et après ça sale oppression. Watu wengine wanashindwa kuflow. Navoshika hizi vitu mi nina score kama mjeshi. Kisaka keshi na mikutwa si chekeshi. Nashika beleshi napanga msururu. Nami siwezi kukufuru. Naomba nuru ili nipate huu mwanga. Mungu alichopanga hata kifika siku ya mwisho kirudi chini ya mchanga bas. Naondoa wasiwasi nashika glass ilijoja. Karam sio maasi. Nasikia milio ya risasi watu wanakufa. Hili ntaifa linaloona nyufa. Ni sisi tumesimama imara bila kuona ishara yoyote ya wale watu ambao hawana chochote. Umaskini watu wanalia kila siku na maisha bado tunaona nini dunia kilichopanga. Paku watu hawana cha kukaanga. Ni wapi tuko I say. Uzaifu wa kilevi bwana mdogo viwezi. Usoni mafogo wengi walikuwa wezi. Siki dogo sifate wengi utelezi. Tunacheza michezo mingi uchezi. Michezo mingi ya shilingi uwezi. Ndo maana kwenzi lina kuchapa una benzi. Una mapenzi gitaa bonge la ndezi. Yani mwepesi kusimama wezi kesi. Uwezi kudensi kudunda kitenesi. Uwendi resi ukiona apila una sexy. Umebaki fala una kopi na kupesi. Yani mweupe una veo vya jeshi. Bonge la kiwingu mpaka huwa inyeshi. Waikesh kunusa chako kinyesi. Kukusa kiwango bona chepesi. Bora nifunge vesi kabla jabwa kesi. A vider ma tête, à remplir la feuille. La projet quand j'ai calibré le prochain pilon qui m'accueille. J'ai calibré de la bonne soupe, canidé t'approche sous un salivaire. T'as senti le brouillard au loin saliver. C'est ça l'idée mec, d'en bas venir cracher toute sa rage au mic. Tu te salis les mains à croire que tout s'achète pour 100 balles au Mali. On se rachète pas une conduite quand t'as le permis de port d'armes. On s'achève au coin de la rue, ce jour-là se termine comme d'hab. Père, une mère, des frères et sœurs, une famille comme tant d'autres. Il finira fier et seul car il n'a que sa rime comme Lando. On s'entend pendant on se cantonne. C'est pas vanné, c'est grave. Comment s'entend on se crampe. Non à ces satanés égards encore 100 ans à tout cramer. On aura bien l'air con encore. Mais je t'entends rire toute l'année. Même les tarés on leur comble. Et même les tarés on leur contrat. L'état mais non un contre un. Creva increvable. On sème les trouvailles d'un crew rap. On a beau se pavaner. Ça fallait planer là c'est d'art. Ce qui m'attend alors que c'est Kamel à s'étale. Sam et Sam. Watengwa, les crevards, les crevards. Bure, bure, Bure, Town City, Marseille. Yeah, yeah. Bure. All fair and thought, my cheese one go quelly, y'all need hugs. Easy, level me course now, attack a drugs tight. Gumu kuliko when I was a produce. Mizuka kwa madonk when you kawaki cruise. In my bomb, but the chicks like the rhythm and blues. Sitaji kukimbiza mi wakati onipiti. Ata upige mnanda mintanata na biti. Kama bars and hooks nita come out na hit. Mpango kume kidosi kelele to street. Siyo tu kwa huu na kujenga hii market. Paka kwa mabosi na fike zi budget. Atufanyi rap sizi tunafanya projects. Tala ziko freeze ina banwa ni business. Sione tu ni portu kichana kwa mic. Hii ni pesa nyingi sana hizi rhyme almas dog. Je crois que j'ai le syndrome de la page blanche. La seule trace de stylo sur ma feuille est une tache d'encre. Je me répète la même question puis dis piche pourquoi je glande. J'allais, je vais, j'irai où va le vent. J'entends les gens crier, on n'a pas le temps à mater leur monde sans cligner des yeux fixant leurs 4 ans. En ce moment sur Twitter, je suis aux abonnés absents. J'habite depuis 4 ans à Marseille, mais j'ai pas pris l'accent. Pourtant, je m'adapte vite, je travaille un peu l'impro. J'ai lâché 2000 E à l'épicier qui veut pas me faire un chrome. Je remplis mes feuilles d'impôt, j'ai pris un coup de vieux, mais je squatte au land, je cours, je joue et je joue le jeu. Avec cette meuge, on cogite, on cause de projet, on positive, on pillave de l'essence, donc forcément on fout le feu. Après le concert de Montauban, y avait cette fille seule, elle voulait se foutre en couple et moi lui foutre un coup de dieu. Ça fait les kimziki, inabidi na siku tu tuone ni nini ziki. Amba elitakiwa kuwa tu hatusikiki, hata kwenye speaker wala tuna mashabiki. Kinachokuwa sisi hata hatudiriki, kitu ambacho tunakipata kutu haturiziki. Lakini inabidi nasi kutu hatuzimiki, ni kama moto isikia instrumento paka vichwa mamento. Inabidi tu kutu ame nipate hii indoto, na isikia wito nini kinaniita. Siwezi sita usiku wa saa sita, bado usiku mina pita. I say just be, nani anagita. My ice cream, my cream, now ya dream ni my steam. Yano ni pa mi wazim ni uzesim, am ni Russia's team Kasim. GG, my say A Town Cities in the hells, yo. TGP wa tengwa. Yeah. Oh. Sam. Tanzania, Marseille. Oui. Yeah. Yo. Yo. Quel bilan a tiré tout ça? Bilan mi-rapide coûte ça. Mélange quand un pile tous part. Disant clair à qui se touche pas. Disons verra bien quand les cons dérapliquent. Tombés reviennent quand les autres dilapident. On les connaît les vrais qui racontent la vie. Pas déconner les frères, ils sont cours de l'avenir. On connaît la vie, l'ombre et les galères. Tant qu'on est la mine, on connaît la vie qu'on a vu qu'on avait dans ces conditions. Lâchez la bille, nous on déconne quand la nuit ça mène. On s'en fume, déconner ça va si ça plaît. C'est pas le cas. Qu'on lui ça batte sa mère. Scarpla, placardé la weed à Kevin. Un mic, un classique. En attendant, grâce cette pastille. J'ai tendance à grave t'agacer. Reste dans l'accord et gratte un casse tête. C'est gratte, c'est acide. On revient foutre la merde. Garde tes artistes à 2 centimes qu'on leur foutre la haine. Ça part de là, c'est grave et ça y est, je deviens fou, sa mère. Gratte des cahiers, c'est ça y est, ça m'étouffe à terme, c'est ça, j'ai tout fait. Douté de moi et toussé, j'ai coulé. Désormais la surface n'est plus très loin à toucher. Stanza style, me trying to do your kicks. Vina, vina, to a do your bitch. Ujumbe universal, come a next. Misfield ya dollar, tuna queer, come a rate. Tuna ngona, nga, atu rodi tena. Ila mtatu, no penda, tutu zima zaid. Kama unani soma, zina vushu bora, takwanjia zapanya. Website kwa website, ki bitch, tuna bwana. Tracks, flana, wanas ba mapengu, awazizi. Ziba mwanya, baro tunafanya, baro tunapenya. Haters wanahanya, wanafunga konya. Wali kwa vipofi, zi rhymes awaponya. Wanakodwa macho mapinduzi, wanayaona. Ni bastu open, zila nini watafanya. Nini watasema, magole ote, highlights wanaziona. Wanataka ubingwa, wajui kuna kufungwa. Wajui ya kuna mwisho bila mwanzo. Wajui utajiri unachanzo. Kabla kujua kuna mafunzo. World up. Ha ha, yeah, les crevards, yeah. Ah, c'est cause commune. Sam et Sam, cause commune. Ok. Yeah. Yeah. Pourquoi pas seul, je me dis. Je vois pas la lumière, mais les sauces motifs. J'suis dans le coin, ma sœur, j'suis plus dans le game. Moi j'ai une petite copine. Dans le rap, on s'assure à 4. On n'est pas des pâles copies. Une rage de sensu, j'incarne la rue, même les dalles cogitent. Entre 4 murs, j'pose ma vie avec 10 têtes à l'écoute. Aucun but de cause qui me reconnaît, ne fait que se perdre dans ses doutes. L'indépendant n'est qu'une major sans thune qui tente le plus gros coup. Sa dépendance tire vers le rap de merde dans un gros quiproquo. L'un après l'autre, mes pieds m'emportent dans la folie d'un nouveau classique. C'est pas l'attitude qui me donne cet air cassé. Loin de moi la pidure, j'vis bien mieux loin de cet air cassé. gazé. T'es pas sain mais t'es pas seul à avoir un petit cœur cassé. J'ai pas né casse-tête car seuls mes gars savent que papa les aime. J'en bricole des casse-tête en terre, rien comme papa les faisait. Unataka kuwa mbish na jaro za usiku. Nikiswa kinitish haimanishi bila wemi siishi mwanzo mgumu. Hapo kuna ubishi mtaonelewa. Ibiano kunya nimelewa. Inayovuta ni zedi ya hewa. Ini zedi ya ngekiwa kichani mepewa. Zukusha mkono kama ngudi. Ukitaka kwa DJ lazima wena mudi. Umesha wae kuona mwesu narudi chini. Amali yo kipaza kimekutana na mimi. Na mimi nimekutana na kipaza na kaza. Mwendo na buti ndo kwanza. Safari na anza kipuri hakuna kwa kujibanza. Na sniff kama stone banza. Ili anza na boni kwanza. Na luma yani tukawaza bila jifu kujaza. Ini laza ya msiku na posiki lazima masikio ya stiki. Thank you very very very much. Yeah. Le 5 juin nice à l'espace Julien mon gros. Yeah. Yeah. Bon merci beaucoup les gars, c'était une pure tuerie. Pure freestyle. Peace out. Merci Arusha. L'espace Julien. Ciao ciao. Le 5 la famille. Kidole chakati kwa masnitch. Yeah.